Dans un amour au de la fierté, pouvoir se taire de la dignité, savoir partir au bon moment, cacher son mal en souriant. Et je me disais en marchant que j'avais su partir à temps. Si mon cœur est désespéré, il ne m'aura pas vu pleurer. Un refrain courait dans la rue, bousculant les passants, qui se profilait dans la cohue d'un petit air engageant. J'étais sur son passage, il s'arrêta devant moi. Jette ton chagrin dans leur buisson et tourne-lui le dos. Il faut que ton blé soit gai, alors parlons du mois de mai, des arbres en robe de lilas et de l'été qui pousse en tas. Y a des violettes, un balcon, un vieux poète chante une chanson. Ma robe est tachée de soleil, je le garde pour mes rêves. Un refrain courait dans la rue, bousculant les passants, qui se profilait dans la cohue. Un petit air engageant, les gens sur son passage se regardaient l'air surpris. C'est un bavardage, quel est donc ce malabri? Oui, mais l'air était entraînant et les mots engageants, et surtout il y avait dedans du